Bonus. Trax. Bonjour à vous, auditrices et auditeurs. Enfilez votre kawaii, relevez votre capuche, nous partons sous la pluie. Méfiez-vous, rien ne vous y veut du bien. Les sirènes de l'adversaire rôdent et la seule zone sûre est Libreté. Mais le danger guette, à l'extérieur comme à l'intérieur. Bonne écoute. Et donc, nous voilà de retour pour notre cinquième session de Libreté. Nous sommes arrêtés en plein milieu de l'exploration d'un supermarché. Et ce supermarché est visité par notamment Brice Rotule. Oui, je joue Martel actuellement. Nous avons également Choukoula qui est avec nous. Oui, je joue Gros Momo. Gros Momo la brute. Yes, la brute. Ouais, Martel, la maman. Nous avons également Malouin. Moi, je suis Pitoun, le petit bouffe. Et pour finir, nous jouons avec Riley. Salut. Moi, je suis Jasmine, la princesse Jasmine, qui n'a rien à faire sur le terrain. Mais qui s'est bien débrouillée pour l'instant. Effectivement. Éliminé une des sirènes du supermarché. Et donc, nous nous sommes arrêtés alors que vous aviez chargé vos sacs à dos et vos... Et votre caddie, vous avez un caddie avec vous. Tout cela est bien rempli à ras-bord. Et malheureusement, vous entendez une porte claquer, une porte grincée et claquer, et quelques cliquetis sur le carrelage, comme pourraient en faire des griffes sur un sol carrelé. Et donc, fatalement, que faites-vous ? Moi, je panique. J'essaie de me m'accrocher au caddie. Petite question, combien vous avez de... Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont 5 ou plus de billes ? Moi, j'ai 5 billes. Intéressant. Moi, j'ai 2. Pourtant, il n'y en a qu'un des billes, mais... J'en ai qu'une aussi. Hein. Donc, si tu paniques, Jasmine, ça peut être le moment de prendre un peu plus de billes, par exemple, éventuellement, si tu le souhaites. Oui, je prends en plus. Les autres, que faites-vous ? Et moi, je chuchote aux autres. Ça doit être le chien. Quel chien ? Qui était devant la porte. Ah, celui qu'on avait vu la dernière fois. Moi, je regarde en direction du bruit. Alors, vous voyez pas grand-chose parce qu'en fait, il y a des petites structures tout au long du couloir que fait le centre commercial. Il y a des tournants et donc, pour l'instant, vous voyez rien arriver. Okay, on fait pas de bruit. Du coup, en fait, il a l'air de venir de là où nous, on est venu. Ça a l'air d'être la même sortie ou pas ? Ça vient de l'entrée. Non, difficile à dire. Vous entendez juste un petit cliquetis, vous l'entendez même pas tout le temps, donc c'est très difficile à dire. Oui. Ouais. J'essaie de regarder discrètement à travers les rayons où est-ce que pourrait venir le bruit ou identifier la source du bruit. Bah, vers l'entrée, hein, tout simplement. Ah bah, je m'y approche discrètement. Je sors maladroitement mon tournevis de ma poche. Moi, je reste planqué derrière les rayons. Mais oui, exactement, on se penche dans les rayons. Vous êtes à l'entrée du supermarché, éventuellement, soit dehors, soit dans l'entrée, comme vous le souhaitez. On va dire dedans. Qu'est-ce que c'est, Ravi ? Rien de bon. Le chien ? Il n'y a rien de bon. Il est sorti derrière ? Non, mais si c'était un chien normal, il aurait peut-être pu ouvrir une sortie de secours et la refermer derrière lui. Mais... Je vous le dis depuis le début, il y a une espèce de clown là qui. Non, mais ok, putain. Un clown, là, ça fait pas ce genre de bruit, par là. Mais surtout que le clown, il nous colle au basque. Oui, mais le clown, je l'ai vu à l'intérieur du magasin. Mais le clown, il nous colle au basque depuis. Enfin, tu nous dis qu'un clown nous colle au basque depuis le début. Mais pourquoi il aurait apparu à l'autre bout du magasin et qu'il se promènerait sans raison. S'il voulait nous attaquer, il aurait popé sur nous, il nous aurait cassé la gueule. Mais peut-être que... Je sais pas. J'arrive pas à comprendre. Moi non plus. Faites moins de bruit. Vous n'entendez plus de bruit. Putain, il s'est mis à voler. C'est un chien volant. Ok, avançons discrètement, ouais. Bon, faut qu'on se casse d'ici, ouais. Mais on se dirige la sortie discrètement, tout en regardant bien dans les rayons si on voit une présence. Moi, je surveille Pitoun de plus près qu'avant. Ok, donc vous avancez. Est-ce que ce genre de bruit, je l'ai déjà entendu pendant mes expéditions précédentes ? Quel bruit ? Vous n'entendez plus rien ? Le bruit qu'on entendait, les griffes. Non, parce que t'es jamais allé certainement dans un endroit avec un carnage comme ça, et au final, c'est les rencontres avec les sirènes étaient rares. Okay. Il pleuvait pas autant. C'est donc une sirène. Bah, vous avez jamais rien rencontré d'autre à l'extérieur que des sirènes. Ou d'autres enfants, éventuellement, qui ont pu rejoindre l'enclave. C'est assez rare aussi. Je demande à Edouard s'il peut pas aller voir. La voie est libre. Eh bien, écoute, je te laisse faire un jet de convaincre. De V6, tu peux miser de la mise. De la bille, pardon, si tu veux. Je mise un... C'est un 11. C'est trop. C'est trop, effectivement. Il t'écoute. Vas-y, Edouard, avec Steph, peut-être vous pouvez faire des éclaireurs et... Donc, suis. C'est quand même toi le plus fort, Edouard. Putain, t'envoies ton amour au casse-pipe, toi. Mmh. quoi, mon prince. Non, il fait signe à Steph, et non, je reste avec eux, je vais y aller tout seul, je serai plus discret tout seul. Il avance dans l'espèce de grand couloir très large, avec des petites structures, des bancs, des choses comme ça, une petite structure pour des enfants, ce qu'on peut trouver dans les centres commerciaux, et bientôt il disparaît. Une petite question, on perd la ville quand on rate les jeux. Quand tu réussis le jet, ce qui est le cas là, même si c'est une réussite excessive, tu perds la bille. Quand tu gardes la bille si tu fais 6 ou moins. D'accord. Mais il a disparu, il était au milieu d'un couloir et puis d'un seul coup il était plus. Bah non, il a disparu parce qu'il est hors de votre vue, si tu préfères. Oui, voilà, d'accord. Non mais qu'on soit clair. Qu'on se comprenne bien. On attend quelqu'un en premier. C'est long, c'est très long. C'est peut-être trop long pour toi, Pitoun. Comment t'as envie de réagir à ça, Pitoun ? Est-ce que ce serait pas le moment de courir le rejoindre pour savoir où il est ou... Oui, tout à fait. Au contraire, de t'enfuir dans le supermarché, je ne sais pas, qu'est-ce que t'en penses ? Non, je préfère aller vers lui pour voir ce qu'il fait. En essayant d'être le plus petit, de se faire tout petit. J'essaye de retenir Pitoun. Tu vas surtout me faire un jet de craquer, en fait. Ah, d'accord. Et on verra si, suite à ça, tu pourras faire. Donc, tu lances 2d6 plus 3. Tu dois miser 3 billes automatiquement. Putain, Pitoun. Moi, je peux... J'ai un move pour interrompre une action stupide d'un de mes protégés. 5 et 3, 8. Donc, malheureusement, tu réussis. Donc, la bille noire commence à t'infecter. Donc, tu perds ta mise. Tu perds 3 de billes. Et tu choisis soit de gagner une coche de pourriture, mais tu gardes le contrôle. Soit tu suis ma suggestion et tu te mets à courir en direction d'Edouard. Là, je me mets à courir en direction d'Edouard. Tu peux faire mon move, là, ou pas ? Ça m'embête d'interrompre un craqué comme ça, sinon il aurait mangé une caisse de pourriture. Regarde, ça colle, là. Protéger. Lorsque ma famille se trouve dans une situation dangereuse et que je veux la protéger. Moi aussi, j'ai envie qu'il fasse des conneries, parce que c'est rigolo. Mais bon, là, ça colle, quoi. Ok, vas-y, jette les dés. On va voir ce qui se passe. De toute façon, avec le cube GOD... Ouais, ça y est, ça commence à se plaindre. Il est truqué, ce jeu. Allez, c'est parti. Youpi! C'est un 9. Tu interromps donc l'action stupide d'un de tes protégés. Donc tu l'attrapes. Donc Pitoun, tu me coches une caisse de pourriture, s'il te plaît. Oh, quel salaud. Ah bah. Tu ne lui as pas permis d'extérioriser sa bile. Donc du coup, il coche une pourriture. Ok. Tu regardes, Pitoun, t'as des taches un peu noires sur la tronche. Donc il reste avec nous. Il reste avec vous. Mais peut-être qu'il a poussé un petit cri, tu vois. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a pour moi, Pitoun? Comment as-tu réagi, Pitoun? Ben oui, dès qu'elle m'a rattrapé, effectivement, j'ai pas hurlé, mais j'ai crié, oui. Ah mais Pitoun, on a dit qu'il fallait pas faire de bruit. Vous m'avez fait peur. Pourquoi il revient pas, Edouard, là? Je commence à m'inquiéter. J'essaie de tendre l'oreille vraiment pour voir s'il n'y a pas eu une réaction ou un autre bruit qui s'est enclenché avec le cri de Pitoun. Tu crois percevoir peut-être parfois un petit cliquetis ou un bruit sourd, mais c'est loin et tu t'es pas sûr, quoi. Ok, bah on bouge, hein. On continue dans la direction vers notre sortie, quoi. Donc vous avancez et en approchant, vous finissez par voir Edouard. En fait, il est dans une des structures pour enfants qui est au milieu du centre. Une espèce de comme une espèce de maison ou de cabane de jeu, quoi. Vous le voyez à l'intérieur accroupi qui semble se cacher, et quand vous approchez, vous voyez que effectivement il y a 5 espèces de chiens qui se trouvent autour de lui, enfin autour de cette cabane. Ah oui, d'accord. Est-ce qu'ils tournent autour en mode ils l'ont repéré et ils l'encerclent ? Non, plutôt justement ils se baladent. Okay. On est loin du coup de la chien ? Non. Bah, vous êtes à 20-30 mètres, quoi. Donc, vous voyez une espèce de chien, mais très efflanqué, les côtes saillants sous une peau galeuse, des gencives noires qui se rétractent sur des dents jaunâtres, les yeux noirs s'enfonçant dans des orbites pleines de pus. Sympa, quoi. Ouais. J'ai une idée. On est dans quel rayon là ? On est dans le hall, là. Ouais, plutôt. J'essaie de prendre un objet métallique et de le lancer très loin de notre position pour attirer peut-être les chiens vers ce nouveau bruit, quoi. Mm-hmm. Ok. Qui est futé, ce gros moment, ouais. Tu vas me faire un jet de jouer les casse-coups. Vas-y, mon gros. Bravo. Pas d'avantage particulier. Tu n'as pas mis de bille ? Non, j'ai rien mis. C'est un 10. Ouais. Eh bien, sur un 10, tu réussis sans trop de bobos. Donc, effectivement, tu lances un objet dans un magasin, peut-être, ou dans un couloir perpendiculaire. Et tu vois deux des bêtes qui se dirigent vers le bruit. Edouard regarde dans votre direction, se montre quelques secondes et vous fait signe de passer par ailleurs, de laisser là ou de passer par l'escalator pour passer par l'étage. On va pas le laisser là ? Non, jamais. Martel, on va pas laisser fort tout seul. Là, pour l'instant, il est planqué. On a tiré les bêtes ailleurs. Quelle est la meilleure façon de l'aider? Je suis pas sûr que ça te fonce dans le tas et de le faire découvrir. On peut croiser les doigts pour qu'il reste planqué. Et nous, on s'échappe. Et avant de s'échapper, on fait diversion. Et à ce moment-là, lui, il pourra s'enfuir. Oui, on fait diversion, calme. Donc là, nous, on est 5 ou 6. Lui, il est tout seul. Vous êtes 5 avec un caddie. Voilà, on est 5 avec un caddie. Ouais, mais c'est un caddie très sympa, donc on va compter que une personne. Non, on peut s'en servir, on peut s'en servir d'arme. Il a une vraie personnalité, ce caddie. Ouais, il est très attachant. Non, en plus, il est quasiment plein, le caddie. C'est un caddie de supermarché, hein. C'est pas le mec qui transporte les clubs pour le golf. Ah merde, donc c'est-à-dire qu'on pousse nous-mêmes. Putain, faut tout faire soi-même. Ouais, bah, on va partir dans une autre direction et puis on fera un bouclier de tous les diables. On sera vers la sortie pour les attirer, quoi. Vous voulez passer par où? Vous voulez essayer de le contourner? Vous voulez essayer de passer par l'étage? Alors, l'étage pour sortir, c'est qu'il faut le prendre. Ah, l'étage, c'est un coup resté coincé. Hein. Le caddie, c'est de le bordel. Après, ça redescend de l'autre côté vers l'entrée. Vous aviez aussi un escalator. Ouais, mais l'escalator avec le caddie, laisse tomber. Ça va, on peut s'en sortir. Hein. Si, c'est les espèces d'escalators plats en pente. Parce que là, les deux chiens sont partis. Les deux chiens qui sont partis sont au rez-de-chaussée. Hein. Ouais, tout à fait. Bon, bah, non. Non, je suis pas pour monter. Hein. On va se retrouver acculé en haut. Hein. Ou alors on va s'occuper des deux chiens. Il en reste trois. Il en reste trois, allez. À force de parler, les chiens commencent à se redresser la tête vers vous. Oh. Ah putain. On s'occupe des deux chiens qu'on a envoyés loin et comme ça, ce sera fait. Et on peut pas se taper des sirènes comme ça, enfin, t'es marrant, t'es mignon, toi. Non, c'est pas des sirènes, c'est des chiens. Ah bon, d'accord. Des chiens qui ouvrent des portes de secours. Oh, bah, ils sont venus très bien dressés, hein. Moi, j'ai... Ok, on contourne. Moi, je contourne. Ok, je suis gros mignon. Très bien. Et donc les autres, vous faites quoi? Vous montez? Non. On tourne. Ok, qui c'est qui mène la danse? Gros Momo. Je mène. Eh ben Gros Momo, tu vas me faire un jet de faire gaffe alors, s'il te plaît. Oh, il est trop chaud. C'est un nouveau 10. Donc tu t'avances, tu commences à contourner, et c'est là que tu vois que les un autre chien qui est devant vous et qui est dans un autre magasin, mais en face, et qui risque effectivement de vous repérer si vous passez par là. Top, y a un chien en face. Tu veux absolument qu'on aille par en haut. Yeah, on part en haut. En bref, si vous voulez réussir à passer, il va falloir faire un jet de fuir. Un pour le groupe. Ah, bah Momo, il est en fait là. Passer devant le chien, tu veux dire? Ou partir en haut? Si on fuit, autant prendre Edouard avec nous. Autant aller chercher Edouard. Si on fuit, on va le laisser derrière. Alors, le jet s'appelle fuir. Hein. C'est pour fuir un conflit ou une situation délicate. Là, c'est le cas. Vous avez une situation délicate avec des chiens efflanqués autour de vous. Vous cherchez à fuir cette situation. Et non pas à la confronter. Donc, ça ne veut pas dire que vous fuyez. Si tu réussis le jet, tu n'arrives pas devant l'enclave. Hein. Mm-hmm. Oh, c'est con. Mais ça, c'est pour passer devant le chien et contourner. On peut encore rebrousser chemin et finalement monter. Oui. En commençant à t'approcher de la zone, c'est ce que tu as pu voir. D'accord. C'est tout. Vous avez été. T'as fait 2 mètres, quoi. Les gars, est-ce qu'on prend le risque de jouer ça au dé ou on rebouche chemin sur un... On prend le risque. C'était pas très RP, ce que tu viens de dire. Non, très bien. Est-ce qu'on prend le risque de passer comme ça devant un chien? Est-ce qu'on met notre chance en jeu? Oui, on met ça contre un. Et Edouard, les gars? Non, mais vous doutez bien que ça va ramener les autres si on commence à se fighter. Mais on va pas se battre, Ils sont beaucoup trop nombreux. Bah, si on met notre chance en jeu pour essayer de passer inaperçu devant ce clébard, si ça rate, vous vous rendez bien compte qu'on va être forcé de se fighter. Je suis désolé, mon compteur interne est arrivé à 10. Donc les chiens, un chien se redresse et commence à aboyer dans votre direction. Ouais, je cours. Tous les chiens se tournent vers vous et commencent à courir. Putain. Je crie à Edouard, cours! Ouais, on va barrer. Moi, je soulève Pitoun, je mets Pitoun dans le caddie et je pousse le caddie. Vers où? Vers la sortie. Tu vas vers eux, donc? Non, on continue à contourner du côté où il y avait qu'un chien. D'accord. Donc, au lieu de faire un jet à chacun, on va régler les situations séparément. Donc, toi, tu essaies de faire ça, très bien. Jasmine, qu'est-ce que tu essaies de faire? Putain, que fais-tu? Je cours aussi. Ok. Pour sauver Edouard, j'essaie de faire une diversion et d'attirer les chiens dans l'autre côté. D'accord. Donc en allant quand même vers l'entrée. Oui. La sortie, ouais. Ok. Pitoun, tu fais quoi? Tu te laisses faire? J'essaie quand même de descendre du caddie pour que ça soit moins lourd. Mais je suis mortel. Ok. Gros Momo. Ah, et moi j'ai de Jasmine pour qu'Edouard puisse s'en sortir. J'essaie de m'enfuir avec Jasmine et les autres, quoi. Ok. Martel, fais-moi un jet de fuir, s'il te plaît. Alors attends, on bouge pas. Je vais regarder vite fait. As-tu quelque chose qui pourrait servir davantage? Je ne pense pas. Tu tiens un caddie, donc tu vas avoir un désavantage. De plus, la meute est flanquée. Ils sont infatigables, donc tu as un deuxième désavantage. Est-ce que tu vois quelque chose qui pourrait servir davantage? peux dire que Steph t'aide à pousser le caddie, ce qui te fait un avantage, mais te reste un désavantage en ta défaveur. J'ai réfléchi. Bah non, écoute, hein. Je regarde, mais je crois que c'est... Non, bah je pense que tu peux lancer tes dés, hein. Tu me fais une tête de monstre. Donc je peux mettre un moins 1 direct. Hein, non, non, tu lances les dés. Tu lances les dés, le moins 1, c'est moi qui décide ou pas de l'appliquer, en fait. Ah, bah j'ai fait 2. T'as fait 2. Oh putain. Je décide de ne pas appliquer le moins 1. Bon, je me dis que j'avais pas de cul. Qui fait que tu fais 2 et tu rates. Très bien. Il y a donc un chien qui... Qu'est-ce qu'on va dire ? Le caddie se renverse, le chien fonce sur toi, saute. Le caddie se renverse juste au moment où Pitoun en descendait. Et Pitoun se retrouve coincé sous le caddie et ce qui était dedans. Pendant ce temps-là, Gros Momo et Jasmine, donc vous essayez d'attirer un peu les chiens pour que Edouard puisse sortir de sa... C'est ça ? Je jouerais bien ça comme jouer les casse-coups, en fait, quoi. C'est-à-dire essayer de les attirer, de les esquiver. Donc je verrais bien ça comme un move jouer les casse-coups, si ça vous va. Ok. Lequel d'entre vous fait le jet ? Ah, bah apparemment c'est Gros Momo qui a acheté les dés. Ouais, j'ai lancé... Parce que je pensais que t'allais faire pour nous deux. Ouais, non, je préfère... Non, ça sert à rien de jeter les dés 53 fois, parce qu'après, forcément, il y en a qui partent, quoi. Le jeu propose plutôt de réunir les actions, comme ça. Ok, donc tu fais un 3, ce qui est un échec. Donc effectivement, vous commencez à courir aussi. Vous entendez un fracas quand le caddie s'écrase un peu derrière vous. Les chiens commencent à sortir et se ruent vers vous. Edouard en profite pour sortir de sa cachette. Sauf qu'il y a un dernier chien qui était là et qui lui saute dessus et commence à lui mâchouiller la figure. Ah non ! Vous l'entendez pousser un horrible cri. Pas le visage. Ok. Il pousse un horrible cri en essayant de repousser la bête. Je sors mon marteau et je fonce sur la bête. Ok, je l'aide. Je cours avec elle. Eh bien, Jasmine, tu vas faire un jet d'agresser. Tu as 2 désavantages pour agresser une meute et flanquer. Tu as un avantage parce que tu as une arme, un marteau, et tu as un avantage parce que Gros Momo t'aide. Donc ça fait un équilibre. Donc je te propose de jeter les dés, de dépenser de la bile comme tu le souhaites. À moins que tu aies d'autres avantages ou désavantages à me faire part éventuellement. Mais... Gros Momo me permet d'utiliser des armes sans tenir compte des effets qui ne m'intéressent pas. Blessure, avantage, dérapage. Est-ce que ça veut dire que je peux supprimer un de tes avantages ? Tu peux supprimer un avantage à toi, si tu veux. Le problème des armes, c'est que quand tu as un avantage, là, du coup, ça n'a pas d'intérêt, parce qu'en fait, ça pourrait avoir d'intérêt si tu avais un avantage et que tu voulais ne pas en profiter. Sachant que quand vous agressez avec une arme, si vous avez vous avez un avantage et vous êtes obligé de l'appliquer. Ah oui. Donc c'est-à-dire que la situation peut déraper. Et donc c'est dans ce sens-là où tu peux... Là, ça pas dans cette situation-là, ça n'a pas d'intérêt de ne pas utiliser l'avantage parce que ça te donnerait un désavantage. Alors que là, tu es à égalité, il n'y a ni avantage ni désavantage. Okay. Eh bien, j'utilise 2 points de bigger. Très bien. Et j'ajoute à 8. Ah, ça fait 10. Très bien. C'est beau. C'est très bien, tout à fait. Je me suis entraîné. Je frappe, je vise la tête du chien. Très bien, donc tu te précipites sur le chien, tu vises la tête, tu donnes un coup, t'entends un craquement assez dégueulasse et un bruit spongieux, et la bête est repoussée de notre ami Edouard, qui porte les mains à son visage en criant. Okay. Je lui tends la main et je lui dis « Viens avec moi si tu veux vivre oh. ». Oh, c'est beau, c'est magnifique. Gros Momo, tu as donc cette bête qui s'écrase peu loin de toi, tu peux essayer peut-être de l'achever. C'est ça, je vais l'achever pour assurer la retraite de mes amis. Alors, est-ce que tu as... T'as quoi ? T'as une arme, toi, aussi ? Ouais, j'ai une batte. Ah oui, t'as une batte à batte, c'est vrai. Donc, ça te donne un avantage. La bête étant inter, je te donne un avantage de plus. Donc, ça fait pour moi, ça fait une égalité avantage-désavantage également. Sauf si tu vois une autre opportunité, ou si t'as un move, d'ailleurs, parce que toi, t'es la brute, t'as peut-être quelque chose qui te permet de... Non, c'est plus dans la contrainte des autres. D'accord. Des petits garçons, par exemple. Non, je veux contraindre quelqu'un en utilisant ma réputation ou ma force, mais j'ai pas l'impression que ça fonctionne. Non, ça va pas fonctionner là, je te confirme. Du coup, je mets un point de bide en plus, en jeu. D'accord. Donc 10. 10. Grand Momo est abonné au 10 ce soir. Ok. Grand Momo, explique-moi comment tu achèves ce chien. Ben, qu'il est à terre et... Pauvre chien. Je prends ma batte et je lui donne 10 coups de batte. Genre, je l'achève. Ceci n'est pas une émission qui promeut la cruauté envers les animaux. Ceci n'est pas un chien, c'est une sirène. Aucun animal n'a été blessé pendant le tournage de cet épisode. Je m'assure qu'il est bien mort, quoi. Il l'est, effectivement. Donc la situation autour de vous s'est clarifiée. Néanmoins, vous repérez que autour de Martel et de Pitoun, c'est un peu la cata. Steph essaye de tenir à distance les chiens qui sont autour d'eux, mais Pitoun est sous le caddie et Martel, Martel est là également. Peut-être essaye de relever le caddie ou de sortir Pitoun, je ne sais pas. Essaye de sortir Pitoun des courses. Donc il va falloir peut-être les aider. Mais justement, attendons-nous sur Martel et sur Pitoun. Que faites-vous ? Donc vous avez trois chiens qui se rapprochent de vous et qui commencent à vous encercler pour vous prendre en tenaille. Donc Steph essaye d'en tenir un à distance, difficilement. Martel, que fais-tu ? Moi, j'essaye de sortir Pitoun de sous le caddie. Et Pitoun, que fais-tu ? Et moi, j'essaye de tenir mon tournevis pour protéger Martel le temps qu'elle m'aide à sortir du caddie. Sachant que, vu la longueur de mes bras, j'imagine que je ne suis pas hyper efficace. Eh bien, on va voir ça. On va voir ça. Tu vas me faire un. Bah, on va commencer par toi, en fait. Tu vas me faire un jet d'agresser avec tellement de désavantages que j'ai pas envie de calculer et que tu vas avoir un désavantage. Tu peux miser la bile que tu veux, évidemment. Mais je vais mettre 2 points de bile. Alors, bien sûr, je vous rappelle, hein, la prise de bile n'est pas soumise à ma proposition. J'essaie de vous en parler de temps en temps. Le fait d'être tombé sous le caddie, par exemple, peut très bien t'apporter de la bile. Le fait d'avoir renversé le caddie peut le faire aussi. Le fait de voir Edouard se faire attaquer peut amener de la bile, etc. Je vous laisse juge. La seule chose que je veux savoir, c'est quand vous atteignez 5 de bile, c'est tout. Okay. Et par contre, vous pouvez jamais prendre plus de 3 billes d'un coup. Et 3 billes d'un coup, c'est beaucoup. Bref. Ça fait 8. Ça fait 8. Et bien, tu arrives à un des chiens s'approcher pour mordre Martel pendant que tu essaies de relever le caddie tout en t'extrayant de là, et tu arrives manifestement à lui planter le tournevis. Peut-être, je ne sais pas, dans le flanc, avant qu'il morde Martel. Donc pour l'instant, tu arrives à le tenir à distance. Martel, quant à toi, tu vas me faire un jet de jouer les casse-cou pour voir si tu arrives à relever ce caddie avant que quelqu'un ne te morde les fesses. Et j'utilise un de bile. Tout à fait. 8. C'est un 8, c'est un succès encore, mais qu'est-ce que c'est que ça ne va pas du tout. Cette campagne ne fonctionne pas du tout. Vous ne faites que des jets qui réussissent, c'est pas bon. Je vais faire les jets moi-même à partir de maintenant. Donc c'est un succès, tu arrives à, on ne sait comment, à donner des coups de pied en arrière peut-être pour calmer le chien qui essaie de t'attraper pendant que tu soulèves le caddie et permets à Pitoun de s'extraire. Néanmoins, vous voilà avec un caddie moitié vidé sur le sol, trois chiens autour de vous, et probablement un ou deux autres dans les parages, vous ne savez où. Que faites-vous ? Moi, je vais faire un jet de protéger. Lorsque ma famille se trouve dans une situation dangereuse et que je veux la protéger, je fais ce jet. Et si c'est un succès, pendant le reste de la scène, je peux choisir à tout moment parmi des options qui peuvent détourner des attaques, forcer l'ennemi à me prendre plutôt pour cible, que je vais anticiper leurs attaques. D'accord, ok, bah écoute, vas-y, ouais. Mon dernier point de vue. C'est un 5. Ouais. Aïe, aïe, aïe. C'est donc un échec. Un échec, je n'arrive pas à vous protéger. Tout à fait. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous voyez, donc du coup, les trois chiens se rapprochent. Vous entendez, surtout Gros Momo, Jasmine et Edouard, vous entendez des hurlements sur le côté venant d'un des magasins. Il semble que les deux autres chiens qui traînaient vous aient retrouvé et se rapprochent. Bah, moi, pris d'un excès de confiance, je vais affronter un autre chien. Ok. Edouard, lui, se tient encore le visage d'une main, les doigts poisseux de sang. De l'autre, il te tenait par la main. Je sais si tu le lâches, j'imagine. Alors, oui, je lâche, oui. Très bien. Je dis, t'inquiète pas, je vais te sauver. Mais vas-y, je t'en prie. Je dépense un point de bille, mon dernier. Oula. Oh, c'est un 13. Oh, je suis hystérique. Ah, c'est bien ça. Alors, donc tu prends une option, de l'option entre 8 et 10, hein, et moi, je vais en prendre une autre. C'est où ça ? Soit tu fais du mal à ton opposant, soit tu l'immobilises, soit tu le repousses pour un bon moment, ou soit tu lui prends un objet important, sachant que là, il n'y a rien à lui prendre de spécial. Même. Pour le repousser. Tu veux le repousser pendant un bon moment, d'accord. Je veux inspirer la peur à ce chien. Ok, par contre, tu arrives à le repousser, faisant fi de tout danger, et ce chien-là, ou peut-être un autre, arrive à te porter un petit coup, et tu prends une blessure. Pas une berceuse, mais son contraire en stéréo. Son petit nom, la Roméeuse, elle se coupe comme au Roméo. Je fais mordre le mollet, par exemple. Ou griffer plutôt. Mordre, ce serait plus dangereux. et ma robe de princesse est un peu déchirée. J'ai pas de 5. Hein. Là, je prends direct 3 de bille si ma robe est touchée. Ta robe est touchée. Gros Momo, tu vois Jasmine qui se précipite et qui arrive à repousser un des chiens. Tu sens bien que les deux autres sont sur vos talons. Il y en a encore deux autour du caddie. Steph essaye de remettre des trucs qui sont tombés par terre, de les remettre dans le caddie. Gros Momo, Martel, Pitoun, que faites-vous? J'essaye de protéger Steph le temps qu'elle remonte, qu'elle reprenne les affaires. Donc je suis aux côtés de Martel, on est en train d'essayer de convaincre peut-être un des chiens ou de protéger, histoire de temporiser au maximum. D'accord. Martel, tu fais quoi? Tu suis ce plan ou tu as d'autres choses en tête? Non, ça m'a l'air plutôt un bon plan. Et moi, j'aide Steph à remettre vite fait les trucs dans le caddie. D'accord. Donc, Pitou, tu vas me faire un jet de jouer les casse-coups. Et Romomo, tu vas me faire un jet d'agresser avec un désavantage. T'as un avantage parce que tu es aidé, mais tu as déjà deux... Ah non, tu as un avantage avec une arme, un avantage parce que tu es aidé, mais tu as deux désavantages. Donc ça va être un jet simple. 9. Donc Pitou, tu arrives à aider Steph à remettre les affaires dans le caddie. Gros Momo, par contre, c'est un échec. Donc vous êtes en train de repousser les chiens, et c'est là que du coup il y a, tu sens une masse très lourde s'abattre sur ton dos. Tu es repoussé toi-même plutôt vers le supermarché, en dehors de la, enfin, à l'opposé de l'entrée, par deux chiens qui viennent d'arriver. Donc Martel et Gros Momo, vous êtes tous les deux repoussés vers le supermarché. Vous arrivez à esquiver les coups de griffes et les crocs, mais vous êtes séparés de vos amis. Yes. Steph empoigne le caddie et commence à le pousser en direction de l'entrée. Edouard essaye tant bien que mal également de prendre le caddie d'une main pour l'aider à le tirer vers l'entrée. Jasmine, Pitoun, qu'est-ce que vous faites quand vous voyez ça? Moi déjà je gagne 2 points de bille parce que je me sens un peu abandonné. Moi je suis toujours... Non, le chien il est... Le chien t'arrives toujours à le repousser, mais tu vois effectivement... Tu le maîtrises, mais voilà, néanmoins tu vois ce qui se passe autour de toi. T'arrives à le tenir à distance avec ton marteau, peut-être en lui repoussant des chaises ou des objets qu'il y a sur le passage, tu vois. Ok. Je fais ça tout en reculant à un endroit sûr. Hein. Okay. Donc je planque dans un magasin, donc ça c'est un piège. Pitoun, tu fais quoi? Je reste à côté de Steph, parce que je veux pas qu'elle parte toute seule non plus. Et j'essaie de la protéger d'éventuelles attaques de chiens qu'il pourrait y avoir. En flippant la race. Ok, t'es derrière, tu regardes autour de toi, tu sens une main qui s'abat sur ton épaule. Une main avec des griffes. Et là, je hurle et j'essaie de partir en avant. Mais c'est une autre histoire. Gros Momo, Martel, vous êtes coincé, vous avez été éloigné d'une bonne vingtaine de mètres de vos camarades que vous vouliez partir vers l'entrée du supermarché. Qu'est-ce que vous faites? J'essaie de les rejoindre, sachant qu'ils ont le caddie, on est d'accord? Oui, ils ont le caddie et ils arrivent effectivement à le pousser tant bien que mal vers l'entrée. Bah, j'essaie de les rejoindre pour les protéger. Alors, quand je dis l'entrée, en fait, vous les voyez commencer à bifurquer vers le petit couloir perpendiculaire avec les toilettes qui vous amène à la porte, porte battante de secours, qui permettrait de sortir. L'endroit par lequel on est rentré. L'endroit par lequel ils sont entrés et pas toi. Ouais, c'est les pigeons. Donc, pardon, Gros Momo, Martel, qu'est-ce que vous faites? Bah, on essaie de les rejoindre. Alors, comment, du coup, en essayant de fuir, du coup, les chiens? Ouais, pareil. Bah, donc, lequel d'entre vous mène la danse? Gros Momo aussi. Eh bien, Gros Momo, fais-moi un jet de fuir, s'il te plaît. J'ai utilisé 2 billes. Oh. Eh bien, c'est un 8, c'est une réussite. Donc, vous arrivez, en fait, en contournant peut-être une structure ou en passant par un magasin et en les amenant à travers des rayons, à contourner, à réussir à sortir... en les laissant derrière vous, donc ils sont bien évidemment sur vos traces, mais vous avez néanmoins réussi à ouvrir un peu le passage. Moi, je regarde autour de moi et il me semble que je vois pas Jasmine, c'est ça? Non, tu vois pas Jasmine, tu vois Julia, juste le Martel, vous êtes tous les deux ensemble. Jasmine, en fait, vous commencez à la... Enfin, si, maintenant que vous êtes réussi, vous avez réussi à fuir, vous la voyez seule contre deux chiens, en train d'arriver à les repousser. C'est impressionné. Elle est où, Jasmine? Moi, je suis tellement impressionné que j'ai appris quelque chose sur les autres, et du coup, j'ai coché un peu l'expérience. Ouais, pas mal. J'ai appris que Jasmine était badass. Pitou n'est pas avec nous Non, Pitoun, il est, tu ne le vois pas. Tu l'entends hurler, par contre. Jasmine, pareil, tu vois Martel et Gros Momo qui courent plus ou moins dans ta direction. Tu aperçois la meute flanquée, les deux chiens, pas très loin d'eux. Toi, tu arrives à grand-peine à éloigner les deux chiens qui sont autour de toi. Qu'est-ce que tu fais? Et tu entends Pitoun qui hurle. Je crie, il faut aider Pitoun. Il faut aller aider Pitoun. Nous, on est dans sa direction. Je m'occupe des chiens. Je suis complètement... Tu essayes toujours de repousser les chiens, du coup ? Ah bah oui, oui. Hein. Du temps est passé, je vais bientôt te réclamer un autre jet. Tu es en mode berserk, quoi. Exactement. Je sais pas ce qu'il y a. Allez, bah refais-moi un jet d'agressé, alors. Tu auras un désavantage. Utilise un de billet. 11. Oh. 11, eh bien, je n'utilise pas le désavantage. Je te laisse faire ton 11. Étonnant. Qu'est-ce que tu choisis comme option ? Tu fais du mal, tu immobilises ou tu repousses ? Là, je vais faire du mal. Ok. Donc, tu arrives à éclater la tête d'un chien. Ah ouais. Ça banane. Ça tempête. Ça remue. Ça résonne. Ça déclame. Ça s'arrête. Non, ça continue. Ah bon ? Après, lui avoir collé plusieurs coups sur le torse, ça l'énerve en fait, c'est un peu ce que t'attendais, il se met à bondir vers toi, et t'attendais ce moment-là, et tu le cueilles directement dans la tête. Ok. Donc, des morceaux de chair sont expulsés un peu partout, et te salissent à nouveau ta robe. Ok, bah, j'espère qu'on regarde. Néanmoins, il était lancé en fait, et du coup il te percute et tu perds ton marteau qui tombe à quelques mètres. Merde. L'autre chien se tourne vers toi, t'aurais presque l'impression qu'il sourit. Pitoun, donc cette main se pose sur toi. Mais je hurle et je pars dans la direction opposée. Alors fais-moi un jet de fuir. Je mets 2000. Oh là là. Ah, je pars loin, je pars trop. On a perdu Pitoun. Ah, j'hésite. T'avais déjà une blessure, c'est ça ? Yes. Est-ce que je te blesse ou est-ce que je te sépare du reste du groupe ? Ah là là là là. Mais écoute, tu cours, tu dépasses du coup Steph et Edouard, les mettant à la merci du chien qui vous suivait. Et tu arrives dans le couloir et tu percutes la porte, tu sors à l'air libre sous la pluie battante. Oh putain. Et tu te retournes et tu ne vois plus le. Enfin, tu ne vois pas de clown qui te pourchasse dans le couloir. Tu souffles en espérant l'avoir. Je ne trouve pas le mot. Semé, merci. C'est difficile. L'avoir semé, donc. Et tu entends néanmoins un bruit de ballon qui couine, tu sais, les ballons qu'on met les uns avec les autres pour faire un chien en ballon. Oui, d'accord. Martel, gros momo, qu'est-ce que vous faites ? Vous avez Jasmine devant vous qui vient d'éclater un chien mais qui vient de perdre son arme. De l'autre, vous avez Steph et un Edouard blessé qui essayent de tirer le caddie alors qu'un autre chien est sur leur talon. Un chacun, gros mot. Moi, j'ai l'impression que Jasmine, elle se débrouille bien mais qu'elle a plus d'armes. Tu peux t'occuper de Jasmine, moi je vais aider. Ça marche, c'est ce que je comptais faire. J'adore cette petite discussion très très calme. Écoute, voilà ce que je te propose. Nous avons nos amis qui se font attaquer. Je pense que. Va aider Jasmine. Mais non, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça passe dans la communication non verbale. En fait, avec Gros Momo, on a l'habitude de travailler ensemble, donc un simple regard suffit. Mais pour que ce soit un peu RP, pour que vous sachiez ce qui se passe, on vous décrit. Mais c'est vraiment pour vous. Un regard et on sépare. Tout à fait. Ah. Ok, moi je cours vers Steph et... Ok, dans quel but ? Je veux éliminer toute menace. Donc tu veux agresser la bête ? Exactement. Eh bien, je t'en prie, tu vas faire un jet d'agresser. Je vais mettre une bile, ma dernière bile restante. C'est un 6. Et tu cours hein, sur le dernier chien qui bondit et recule face à Steph en espérant percer sa défense. Tu t'approches par derrière en courant, en brandissant ta batte. Et au moment où tu l'abats, en fait, le chien t'esquive d'un bond et vient te mordre la cuisse. Tu prends 2 blessures. Sachant que j'ai mon impossible à tomber qui me permet d'ignorer une cage de blessures sur le premier coup que je subis dans un affrontement. Mmh. Bah donc tu prends qu'une seule blessure. Martel. Ouais. Donc tu approches de Jasmine, qu'est-ce que tu fais ? J'expose le chien. En tout cas, j'essaye. Très bien, tu l'agresses, je t'en prie, lance les dés. Tiens, comment ça marche, ça ? Je suis en train de faire des tests d'agresser ou de convaincre visant à protéger ma famille, je vais donc en parler appliquer l'éventuel plus 1 de situation de force. Bah donc t'as un avantage, alors tu as une arme, donc t'as un avantage supplémentaire. L'éventuel plus 1 de situation de force, c'est comme quand tu utilises une arme en fait. C'est-à-dire que si t'as le plus 1, tu dois l'appliquer, fatalement. Et donc ça peut arriver à du coup un débordement en faisant 11+. D'accord, j'ai pas le choix en fait, j'ai tout le temps plus 1 sur mes jets d'agresse. Mais sachant que là, on va déjà compter, je suis pas sûr que t'as un avantage, parce que t'as deux désavantages déjà pour combattre les chiens. Mais s'il est tout seul là en face ? Il est tout seul, oui. Mais Jasmine peut pas vraiment te détruire aussi. Allez, on va compter un seul désavantage. Donc du coup, t'as un avantage. Ok, merci. T'as un avantage, et donc fatalement, tu vas faire plus 1. Le plus 1, c'est par rapport à la ville ou c'est par rapport au... Non, le plus 1, c'était mon avantage. D'accord. Donc ce qui fait 8 tout juste, t'as de la chance. En même temps, t'as pas besoin de faire un lanceur compliqué, hein. T'as le tableau, tu cliques juste sur 2 face à des 6 et ça marche. Je sais pas que j'avais jamais compris à quoi ça le tableau. Ça sera entre nous. C'est bien triste. Heureusement qu'on est entre nous, hein. Je passe pas pour un con devant plein de gens. Bonjour, c'est les radios. Bien sûr, ça sera évidemment coupé au montage. Et puis bien sûr. Personne m'écoute de toute façon. Bien sûr. Et non moins un 8, ce qui est donc un succès. Donc que fais-tu ? Eh bien écoute... Est-ce que tu fais du mal ? Est-ce que tu mobilises ? Est-ce que tu repousses ? Il me semble que j'avais une fourche. Non, tu te l'étais fait bouffer par le confiseur. Je m'étais fait bouffer ma fourche. Et il me semble que j'avais une arme. Mm-hmm. Ah, tu es en train de me dire que tu n'as pas d'arme notée sur ta fiche ? Ça va tout changer. Bah, j'ai ma louche, mais après on s'était équipé et tout, j'avais forcément une arme. T'es équipé d'une fourche que tu as perdue lors du combat contre le confiseur. Mais as-tu pensé à récupérer autre chose dans le caddie, par exemple, parce que vous étiez sorti du magasin de bricolage ? Eh bien, je ne crois pas. Donc je n'ai que ma grosse fourche en fonte. Très bien. Bon, c'est pas grave. Donc tu donnes un coup, mais c'est pas suffisant pour le tuer. Jasmine, justement, qu'est-ce que tu fais, toi ? Martèle des boules et taper sur le chien avec sa louche, ça te paraît étrange. Vous êtes fait chier à faire des courses et à ramasser des armes en tout genre, et elle se balade avec une louche. Oui, mais j'ai pas noté, voilà. Moi, j'ai envie d'essayer de récupérer mon marteau, et je regarde pas autour de moi. Ouais, mais tu l'aperçois. Je me sens un peu plus faible sans un marteau. Tout à fait. Donc je te propose de faire un jet de jouer les casse-coups pour le récupérer sans te faire niaquer. J'utilise. Je fais 10. C'est super. Donc tu récupères effectivement le marteau. Je plonge, je chope mon marteau, je me redresse, je crie au chien « C'est moi que tu veux, c'est moi que tu veux. » Je suis un peu ridicule, quoi. Ouais, c'est vraiment ridicule par rapport à ton kill count jusqu'à maintenant, tu vois. Je perds plus de temps en plus. Eh bien écoute, je vous propose de régler ça par un dernier jet d'agressé. Donc Jasmine, vas-y, tu as... Où est-ce que c'est Martel d'ailleurs ? Parce que, qui fait le jet ? Parce que Martel a effectivement son avantage face à son move. Parti. Bon, oups. Ce qui fait donc 11. Ouais. C'est parfait ça. Donc effectivement, vous ruez toutes les deux sur le chien. Martel, en fait, tu te fais griffer prenant l'aggro pendant que Jasmine se passe sur le côté et assène un nouveau coup formidable sur le crâne de ce chien et le tue. Donc Martel, tu prends une blessure. Ouais. Tu prends non, d'ailleurs deux blessures, pardon. Oh. Est-ce que t'avais déjà des blessures ? Non, non. Donc tu prends deux blessures... Donc ça te sèche pas mal, tu es sur le sol. Si tu veux te relever immédiatement, ne pas se relever immédiatement, ça veut dire quelques secondes de souffle, quoi. Une petite minute. Mais si tu veux te relever immédiatement, tu dois faire un jet, c'est toi qui vois. Et si je rate le jet, je reste à terre plus longtemps ou... C'est risqué. Je ne vais pas prendre le risque. Très bien. Donc Jasmine, tu vois que Martel, effectivement, avec la bête, lui avait sauté dessus et ses deux griffes ont tracé deux belles traces dans son torse. Allez. Néanmoins, t'entends toujours le caddie rouler tant bien que mal de l'autre côté et gros Momo pousser un cri de guerre ou peut-être un hurlement de douleur, peut-être, à savoir. Pitoun. Oh non. Tu veux un ballon, Pitoun ? Je veux pas de ballon, surtout pas. Bah, caca. Qu'est-ce que tu fais ? Je me mets à l'entrée, en fait, juste à la porte, et j'appelle Martel, Gros Momo, Steph, c'est par là, dépêchez-vous. Ils t'ont abandonné, Pitoun. Viens jouer au ballon avec moi. Non, ils m'abandonnent pas. Eux, ils m'abandonnent pas. Donc là, tu le vois sortir d'une ruelle en face, avec un ballon, enfin des ballons... entremêlés en chien, une espèce de chien bizarre qui ressemble beaucoup à la notée flanquée qui vous a attaqué. Il a même réussi à faire des petits crocs sur la tête des chiens. C'est vraiment un artiste, ce clown. Ah, c'est magnifique. Si c'était pas une saloperie de sirène, c'est dire qu'il pourrait faire du pognon. Néanmoins, il te sourit de ses dents effilées telles des rasoirs et taillées en pointe. Eh ben, je recule en faisant en sorte d'essayer de le garder dans mon angle de vue. Et il se met à courir vers toi. Gros Momo, tu viens de te faire blesser. Steph et Edouard, Edouard continue à tirer le caddie, Steph se retourne pour essayer de te venir en aide. Que fais-tu ? Eh ben, je me relève et je rattaque. Je t'en prie, fais-moi un jet d'agresser. Sachant que là, le loup est sur le chien est sur moi. Le chien est à côté de toi, il t'a mordu, mais t'as réussi à le repousser pour l'instant, donc tu peux l'attaquer. Toujours un désavantage. Okay. Je rattaque avec débile. Oh, mais c'est pas vrai. C'est un échec, c'est un 6. T'avais pas une armure, toi, à un moment donné ? Tu t'étais pas mis une armure ? Oui, si, j'ai une armure, ouais. Et ben du coup, effectivement, il esquive encore une fois ton coup. Percute Steph qui va le dingue dans le décor et se blesse. Et te saute dessus et te porte encore un coup de griffe sur le bras cette fois. Qui t'inflige donc deux blessures, mais donc une, puisque tu as une armure. Donc tu tombes au sol, hurlant de douleur, et tu vas devoir me dire si tu te relèves de suite ou pas. Jasmine, tu as Martel à côté de toi, au sol, qui souffle, consciente, mais qui a l'air choquée. Tu entends Gros Momo, qui est en grande difficulté à une dizaine de mètres. Oui. Tu vois Edouard qui essaye de tirer le caddie vers la sortie. Pitoun, tu dois commencer à l'apercevoir d'ailleurs, qui s'approche du couloir et qui essaie de tirer tant bien que mal d'une main le caddie. Jasmine, qu'est-ce que tu fais ? J'ai de Martel à se relever et je dis viens, on s'en va, on fuit. Très bien. Gros Momo, le chien s'approche de toi. Tu te tords de douleur et tu as du mal à te redresser. Tu lèves un bras pathétique, un bras seul qui a bien du mal à tenir ta batte de baseball. Le chien s'approche nonchalamment, ouvre grand sa gueule et l'approche de ton visage en repoussant d'un coup de patte ta batte. Tu es à deux doigts d'entendre la bouche, la gueule garnie de crocs énormes claquer sur ton visage. Et oui, tu entends effectivement un claquement sec, très fort, assourdissant. Et la bête s'écroule. Ah, je regarde le... Bien ce bruit. Près de l'entrée, tu vois en fait à l'opposé du couloir que vous avez emprunté, dans un autre couloir en face en fait, tu vois un mec, un adulte, ah oui, qui tient un pistolet dans la main, encore fumant, dans sa main droite, dans sa main gauche, une mallette. Voilà, c'est ça que tu vois. Je reste tétanisé, je parle pas. Genre, je gagne même de la bile, trois de bile, je suis à trois de bile maintenant. Jasmine, Martel, vous retrouvez Steph et Gros Momo. Steph est un peu assommé, mais commence à se redresser. Gros Momo a l'air assez mal en point. Et donc, vous voyez cet homme qui vous regarde bizarrement et qui s'accroche à un caddie et met sa mallette dedans et s'écroule à côté du caddie. Je regarde les autres. Pitoun, tu as le clown qui se précipitait sur toi. Que fais-tu ? Eh ben, je cours ce que je peux. Alors fais-moi un jet de fuir, s'il te plaît. Ouais, je mets trois points de bile dedans. Voyez-vous ça ? Oh putain ! 2 plus 3, ça nous fait 5. C'est un échec. C'est raté. Donc tu atteins presque la fin du couloir, tu vois Edouard qui redresse, qui tournait en fait vers le caddie et qui tire dessus, et c'est là que tu es percuté par un coup fort qui te chope dans le dos et qui te brûle, coup de griffe, qui te fait 2 points de blessure. Putain, mais il y a vraiment un clown, c'est pas dans le secret. 2 points de blessure, ah, ça veut beaucoup. T'es à combien du coup ? À 3. Et Gros Momo, tu as combien ? Est-ce qu'on gagne de l'apprentissage directement quand on a les 5 cages ou on doit attendre On peut attendre un moment un peu plus calme. Okay. Ça va venir. Donc vous voyez Pitoun qui arrive en hurlant et qui bascule en avant et qui s'écroule sur le sol. Derrière lui, vous voyez ce qui ressemble à un clown, un horrible clown de cauchemar. On le voit. Oh, putain. Vous le voyez, effectivement. Il a raison. Edouard glisse et s'écroule au sol en hurlant en l'apercevant. Alors, je vais changer de mec. Gros Momo est au sol. Martel et Jasmine, vous arrivez à ce moment-là. Vous voyez l'adulte au sol près de ton caddie et le pistolet ayant glissé de quelques mètres dans votre direction. Qu'est-ce que vous faites ? Récupérez le pistolet ! On court, hein, on passe. Bon, on va prendre le pistolet, hein. Donc Jasmine, tu ramasses le pistolet ? Moi je suis chaud là, mais ça dépend si Martel... Ah bah, tu l'as dit en premier. Donc tu ramasses le pistolet, et tu fais quoi ? Moi je suis en mode guerrière, donc je prends l'arme. Très bien. Eh bien vas-y, je t'en prie, tire. Tu as d'avantage. Un pistolet, ça donne 2 avantages gratuits. Ah ouais. Oh... C'est beau, pas beau. C'est donc un 11. Qu'est-ce que tu cherches à faire ? Tu cherches à lui faire du mal, à l'immobiliser, à le repousser ? Je cherche à lui faire du mal. Très bien. Donc tu tires... Tu tires à plusieurs reprises et tu vois la forme cauchemardesque qui s'écroule, son petit chapeau rond, rouge, tournoyant sur le sol, à côté de Pitoun. Je suis un peu choqué d'avoir tiré comme ça. J'ai les mains qui tremblent et je lâche le pistolet. Il teinte sur le sol. Je suis un peu sous choc, je comprends pas trop ce que je fais. Vous n'entendez plus un bruit, plus de cliquetis. En t'approchant de Pitoun, tu remarques Edouard juste à côté, avec une blessure pas balle à la jambe. Tous tes tirs n'ont pas touché le clown. Ouais, bah il y a qu'à pas se foutre là aussi. Comment ça? Edouard, je suis désolé. Je suis désolé, Edouard. Je me mets à pleurer. J'essaie de d'appuyer sur sa blessure. Bon, il y a un peu de sang. Effectivement. Je suis en pleurs, je suis paniqué, je sais pas quoi faire. J'essaie de rassembler tout le monde là, faire le compte un peu. Mm-hmm. Moi je regarde l'adulte et j'essaie de voir s'il est encore en vie. Il est encore en vie, mais tu vois qu'il a une blessure par balle sur le côté. Ah lui aussi. C'est une balle qu'il a reçue de... Non, pas Jasmine. Ah bon. Faut pas déconner, elle était dans l'autre direction en plus. Monsieur, vous allez bien? Où venez-vous? Il ne répond pas, il est inconscient. Il y a un adulte, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu d'adulte? Oui, bah il va passer au séchoir quand on arrivera, quoi. On le ramène avec nous? Il a l'air mal au point. Ah oui, on le ramène. On le met dans le caddie. C'est dans le caddie. Il faudra peut-être prendre un deuxième caddie quand même, parce qu'effectivement là, avec tout le matos... Et lui, il avait un caddie à côté de lui. Hein. Il a mis une mallette, en fait, dans un caddie. Enfin, qu'il l'a mis une fois, il est plus ou moins tombé dedans. Quoi. Oui, bah, on va chercher le caddie en question, on fout dedans et on emporte la mallette aussi. Je demande de l'aide à Steph pour le mettre dans le caddie et de m'aider pour pousser. C'est plutôt toi qui vas aider Steph en l'occurrence. Hein, parce que... Oui, voilà. Parfait. Donc effectivement, vous arrivez à mettre le mec dans un deuxième caddie. Edouard, bah, peut-être avec lui ou je sais pas. Donc, qu'est-ce que vous faites d'Edouard? Oui, on fait un brancard. Ok, pas de soucis. Pistolet, je dis à Martek que je veux plus toucher à ça, bah, je dis de bah, ses pistolets. Je prends le flingue. Pitoun, t'es dans quel état toi? Tu as 3 blessures également, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc toi, t'es très mal en point aussi. Hein. C'est... Les jours de Pitoun vous semblent aussi en danger. Hein. Il va falloir rentrer très vite. Là, on trace. Bah aussi, on peut. Jasmine, juste avant de partir, tu passes devant un magasin de musique. Ah oui, c'est vrai. Je dis que je me dépêche, je vais les rattraper. Je rentre dans le magasin. Non, reste, on n'a pas le temps. À la recherche de baguettes de batterie. Non, rien plus jamais. C'est ça. C'est des groupes de 1, c'est du genre pourri. Hein. Je fais une promesse, je vous rattrape tout de suite. Mais on t'attend, c'est pas... Donc vous arrivez tant bien que mal à sortir les caddies. Jasmine, la guerrière, vous rattrape. Donc qu'est-ce que tu as trouvé, Jasmine? J'ai trouvé une paire de baguettes de batterie. Ok. Donc vous retournez dans les rues de la ville, la pluie battante, pleut vraiment beaucoup, beaucoup plus qu'à votre départ. Tant bien que mal, vous retrouvez la route. Vous allez passer par des endroits qui vous permettent de passer avec les caddies sans trop de soucis. Vous galérez quand même une fois ou deux, mais globalement vous en sortez. Et bientôt vous voyez l'enclave un peu plus loin qui se dessine à travers le rideau de pluie. Enfance. Moi j'ai du mal à marcher. J'arrive pas trop à courir. Pitoun, tu rouvres les yeux parfois un peu fiévreux. Tu vois les rues défiler comme ça, et arrivé près de l'enclave, tu repères des appareils électroménagers sur les toits, autour. Certains semblent se pencher vers vous pour vous regarder passer. Des appareils électroménagers. Toi, tu les vois pas. Moi, je cours en avance pour crier à l'aide. Entrer dans l'enclave et crier à l'aide. Vous passez par la rampe pour handicapés, hein, ici, pour faire passer les caddies. Et les portes s'ouvrent, les gardes sortent en voyant arriver. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, ils ouvrent les portes et vous laissent. Me fondre par terre, fatigué. On va des blessés. Donc très vite, l'adulte, Edouard et Pitoun, et sans doute Gromovo aussi, sont amenés à l'infirmerie. Pour les autres, Jasmine, Martel, vous êtes blessé ou pas? Moi, j'ai 2 blessures, ouais. Bien sûr. Ah oui. Ils sont amenés à l'infirmerie et effectivement, vous voyez Belle qui arrive et qui commence à donner des ordres à son escouade d'infirmiers pour essayer de soigner les nouveaux blessés. Moi, je prends du bras Belle et pour lui dire appeler l'aîné, on a trouvé un adulte. Je retombe dans les vapes. Ça roule. Donc vous êtes amené dans l'infirmerie. Je prends la mallette et je la cache. on va voir. Enfin, en tout cas, tu prends la mallette, pas de souci. Juste, pour ceux qui arrivent dans l'infirmerie, il y a plus personne, hein, globalement. Par contre, ce que vous voyez, c'est un drap qui recouvre une forme qui paraît humaine. Et vous, ou allongé ? Allongé. C'est qui ? Ça m'intrigue. Ouais, on demande ce qui s'est passé. Belle te dit, allonge-toi, on verra ça plus tard, c'est pas le moment. Et elle commence à... Qui est en dessous de ce drap ? Moi, j'essaie de l'intimider, pour savoir qui est sous le drap. Vas-y, rate ton jet. Mets-tu de la bile ? Oh non. Sors-tu une arme pour avoir un avantage ? Non. Échec. C'est un échec total. C'est un échec. Même pas le temps de finir ma phrase que je m'évanouis. Ouais, c'est ça, ouais. Et tu. Juste avant de t'évanouir, tu vois Pétard qui te regarde et un petit sourire est passé par le couloir, tu vois, il regarde par la porte et il te voit t'évanouir. Il secoue la tête en souriant. Pas grave, j'ai fait mon travail, monsieur. J'ai fait mon travail. Peut-être que tu peux prendre un petit peu de bile avant de, avant de t'évanouir. J'ai même pas le temps. Ok, donc Jasmine, bah, t'as aucune blessure, toi ? J'en ai qu'une, une seule. Une seule ? Donc bon, c'est peut-être une istafilade assez impressionnante, mais pas de saignement, pas de... Tu te sens pas forcément en pleine forme, mais voilà, rien de très grave. Il y a plus de douleur... insupportable en tout cas, sur le coup c'était douloureux, mais tu n'as pas de désavantage lié à cette blessure. Donc que fais-tu de la mallette en question ? Tu as des gens qui apparaissent, qui commencent à récupérer le caddie, elle poussait vers le stock sans forcément en faire plus, tu vois, mais au moins pour le glisser vers la salle de stock ici. Ouais. J'essaye de profiter de son regard, aller cacher la mallette dans le dortoir. Ok, bon, pas de souci. Hein. Donc tu te diriges vers le dortoir. Ok, ça roule. En allant vers le dortoir, tu entends et tu vois derrière toi le barbu qui a été averti et qui se dirige vers l'infirmerie. Mais je m'en fous. Je cherche plutôt Sandy. Ok, bah donc tu la trouves. Quelle heure ? Là, vous étiez parti de bon matin. On peut dire qu'on est certainement en fin d'après-midi. Donc tu la trouves peut-être dans une classe ou dans le dortoir. Ok. Je vais me confier direct à Sandy en disant que j'ai trouvé quelque chose. C'était très dur comme sortie. On a eu des blessés, mais tu trouves quelque chose. Il faut le cacher absolument. Eh ben écoute, fais donc un jet de te confier alors. J'utilise un de bille. C'est un échec. Si j'ai pas le temps là, je dois aller aider à la cuisine. J'ai pas le temps, on reparlera de ça. Quoi ? Mais tu comptes aider à la cuisine, Sandy ? T'es ma confidente ? Depuis que c'est la merde ici. Qu'est-ce que tu me fais, Sandy ? Regarde, je suis couvert de sang. J'ai sauvé tout le monde. Elle continue ce chemin en disant va te laver, tu pues. Quoi ? Je prends un point d'expérience. D'expérience ou de bille ? Je suis un revers cuisant, ma plus fidèle alliée, ma route. Ah non, c'est... Ah pardon, là, attends, je c'est... on va faire un retour en arrière, parce qu'on a parlé de Sandy, j'ai pensé à Sonia, pardon. Ah, Sandy, c'est ma copine. Oui, tout à fait. Donc je pensais que tu cherchais Sonia et pas Sandy. Donc non, elle va pas réagir comme ça, effectivement. Non, elle va dire... Ah, oui, ok... Mais elle relève pas, tu vois. Enfin, et elle continue à dire oui, faut que j'aide en cuisine. On a besoin de moi. Et moi aussi, j'ai besoin de toi, Sandy. On en reparle après. Qu'est-ce qui se passe ? Là, on m'attend. Il y a eu des morts, tu sais. Enfin, il y a eu un mort. C'est qui est mort ? Le sourcier. Ah merde. Et pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ? Elle se barre. Enfin, faut que si tu veux continuer à lui parler, faut la suivre, quoi. Faut lui courir après. Ouais, je le suis. Je cours après. Je sais pas. Je suis pas dans les confidences. Je sais juste qu'il est mort. Et du coup, c'est un peu le bazar. Il faut aider. Donc, tu n'étais pas là. J'ai proposé mon aide en cuisine. D'accord. Bah, ok. Je suis un peu sous le choc. Je vais cacher moi-même ma mallette. Donc, à l'infirmerie, vous voyez le barbu arriver. Jasmine, si tu veux te mêler à cette scène, tu peux attendre un petit peu et puis arriver quand tu penses que c'est bon ou pas, comme tu le souhaites. Le barbu arrive. Il vous regarde tous en plus ou moins piteux état. Il se retourne vers toi, Martel. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, on est tombé sur des sirènes, comme on pouvait s'y attendre. On a réussi à en exploser quelques-unes, s'échapper avec le caddie de provisions. Et on a failli perdre Gros Momo dans la bataille, mais le grand, là, l'a sauvé en utilisant un pistolet. Et voilà, on a réussi à s'échapper. Le grand ? Le grand, tu vois pas, l'adulte, hein ? Alors il se tourne vers la forme. Oh putain, c'est qui lui ? Bah, ça se pose la même question. Si je peux me permettre, je pense que dès qu'on lui a pensé sa plaie, un petit tour à l'alambic, ça pourrait pas lui faire de mal. Il hoche la tête. Ok, bon, on va voir ça. Et raconte-moi. Enfin, il prend une chaise. Il s'écarte un peu. Il fait signe à un garde qui s'approche. Il passe deux trois consignes et il prend une chaise et il s'assoit à côté de toi. Bon, tu veux me raconter tout ce qui s'est passé. Elle est où, Jasmine? Bonsoir, je suis là. Je suis là, je me vais m'asseoir. Jasmine a fait preuve d'un courage qui nous a beaucoup servi, Barbu. Si tu l'avais vu, c'était incroyable. Elle a explosé les sirènes. Confirme. Oui, bonsoir, je suis là, je confirme moi aussi. J'ai un Barbu, j'ai prouvé ma valeur. Eh bien, peut-être que je t'ai mal jugé. Peut-être aussi qu'il te fallait cette épreuve-là pour te révéler. Je suis content que tu ailles bien. Bien, merci. La récolte. On a ramené ce qu'on a pu. Normalement, tu trouveras dans le caddie à l'entrée. Ou sacs à dos sont certainement étalés un peu dans l'infirmerie ou posés en tas quelque part, peut-être, je sais pas. Ouais, on a tout pris. Il y a des vivres, de quoi faire pour les mains sales, quelques trucs pour les binocles. On a pris ce qu'on pouvait. Justement, en fait, il y a certainement Suzette qui passe par là, la responsable des mains sales. Donc il déboule avec toujours avec sa salopette trop grande. Du coup, le barbu lui fait signe vers les sacs à dos. Elle est accompagnée de Damien, le grand costaud qui aurait pu vous accompagner, qui ramasse les sacs. Et en gros, elle vous dit qu'elle va vider le caddie et les sacs, vérifier tout ça et ranger tout ça comme il faut, quoi. Martel, elle te dit je peux contacter Choco pour lui filer la bouffe. Oui, bien sûr, merci. Et tu peux être fier de ta Steph, hein. Elle fait du bon boulot. Bah, Steph est là dans un coin, elle est assise, elle attend son tour, elle est loin d'être la plus blessée, donc elle attend tranquillement. Elle est au même état que Jasmine, quoi. Là, pour l'instant, Belle, elle est penchée sur Pitoun, pendant que d'autres s'occupent d'Edouard. Martel, dis-lui qu'on a eu beaucoup de soucis avec Pitoun. Bah, on a eu des soucis avec Pitoun parce qu'il a été pris pour cible par une sirène qui nous a été invisible tout le long, avant la fin. Sinon, Pitoun ne nous a pas causé de soucis. C'est lui la plus grosse victime de l'histoire. Ouais. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il peut voir des sirènes que nous ne voyons pas. Ça, on peut pas en être sûr non plus. Peut-être que la sirène ne pouvait se rendre visible qu'à certaines personnes et qu'elle a choisi de tourmenter Pitoun. Nous ne tirons pas de conclusion. C'est ça. Non, c'est juste que... Alors, c'est pour l'occurrence, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Hein. C'est qu'à chaque fois que lui voyait quelque chose, c'était dans une direction dans laquelle vous ne regardiez pas. Et quand il vous indiquait la direction, par contre, dès que vous retourniez, effectivement, il n'y avait plus rien. Mais lui non plus ne voyait plus. Ah, d'accord, ok. Nous, c'est juste pour informer sur le style de la sirène, quoi. C'est des sirènes qu'on n'avait pas vues avant. Oui, c'est des sirènes qui aiment tourmenter avant de... Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que tu... Il était un peu dégueulasse. Un peu, oui. Ouais. Pitoun, on va tester, voir si ta guérison se passe bien. Ouais, d'accord. Tes blessures comptent comme deux désavantages, mais vous avez récupéré des médicaments, je crois, ou pas? Tout à fait, oui. Et puis donc il y a Belle qui aide, donc, ce qui fait que ça compense les deux désavantages, donc tu vas faire un jet simple pour savoir si tu te remets de tes blessures ou pas. Tu peux mettre de la bile ou pas? Bien sûr. Bon, ben, j'en mets deux points alors. 9 et 2, 11. Il guérit tellement fort que du coup il grandit. Alors, donc tu te remets. Donc pour l'instant, tes blessures vont toujours compter comme deux désavantages jusqu'à ce que tu guérisses, mais en tout cas, t'es sur la bonne voie. Par contre, tu dois choisir une des options ci-dessous. Donc soit tu deviens accro aux médicaments, aux antidouleurs, soit tu épuises les maigres ressources de la communauté. Donc en gros, la plupart des médicaments que vous avez récupérés vont passer... passer chez toi. Soit tu reviens avec quelque chose de changé. Tu peux être hanté par l'expérience, plus pleureux, plus dur, au contraire. Tu peux avoir vu des choses que tu n'es pas censé voir. Tu peux avoir des séquelles physiques. Tu peux nourrir un ressentiment fort vis-à-vis de la personne qui t'a veillé. Un ressentiment, ou pendant ta convalescence, donc ça va durer quelques jours, hein, une fois qu'on aura terminé cette séance, il y a quelques jours qui vont passer. Pendant ta convalescence, les choses pourront avoir évolué. Tes ennemis ont profité de ton absence pour te frapper indirectement, tes amis t'ont trahi, bref, voilà, il peut s'être passé des choses. Donc je te laisse réfléchir à ça. Donc le barbu, du coup, écoute votre récit complet, donc vous lui racontez tout, il y a quelque chose que vous omettez, que vous... je sais pas. Ah bah oui, on a envoyé la malte et le pistolet. Le pistolet, il l'a déjà dit, elle l'a déjà dit, moi. Pistolet, on l'a déjà dit, ouais. Qui a le pistolet, d'ailleurs? C'est Martel? Ouais, c'est moi qui l'avais ramassé, mais je l'ai remis en arrivant. Hein. Ok, bah tu le remets au barbu, alors. Par contre, si en... pas si je vois que Jasmine peut-être me coupe la parole au moment où pour prendre le relais dans l'histoire, ou en tout cas, bon, je comprends qu'elle veut pas qu'on parle de la mallette. Et... au moment où tu tends le pistolet, il tend la main pour le récupérer, il est pris d'une assez violente quinte de toux qui dure entre 20 et 30 secondes, quand même assez longtemps, et il finit par quand même par se calmer, il récupère le pistolet. C'est mal Covid devant la... Putain, ça va pas, Barbu? Si, ça va, c'est rien, j'ai dû attraper froid, je sais pas. Et pour le sourcier, qu'est-ce qui s'est passé par lui? Quoi? Qu'est-ce qui est arrivé au sourcier? Il est mort. Mais de quoi? On l'a retrouvé en bas, la tête éclatée contre un tuyau. L'ancienne était compromise? On sait pas. Est-ce qu'il est tombé d'une hauteur en s'accrochant quelque part? Est-ce qu'il est tombé dessus? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui l'a poussé ou pas? Je sais pas dire. Vous avez intéressé ses apprentis? Oui. Bien sûr, c'est Liam, si je ne m'abuse. Il me semblait qu'il en avait deux. Il avait qu'un seul apprenti, c'est Liam. Non, Liam était en classe à ce moment-là. Il est hors de tout soupçon. Vu les meurtres, ils ont commencé à partir du moment où nos amis, les ampoules, sont venus un peu amochés, là, et il y avait Jackie chelou, là, qui était un peu dans les vapes. Marco? Ouais, tu l'as fait surveiller un peu ou pas? Est-ce qu'il a été des comportements bizarres depuis ou... Tu penses qu'il faudrait le coller? Ouais, je pense aussi. Tu vois, on a déjà écarté le fait que ça puisse être une sirène infiltrée en le passant à l'alambic. Ce qu'on n'a pas pensé, c'est qu'il y a peut-être quelque chose dans son esprit. Peut-être qu'il était tellement... Fais un jet de convaincre. D'accord. Surtout que quand je lui ai parlé avant de partir, il n'avait pas l'air... Dans son assiette. Dans son assiette, et c'était pas du Marco. J'utilise 3 de bile. Ouf, très bien. Moi, j'essaie de l'aider si je peux... J'ai bien fait. Ah. Si c'est 3, 9, pas de soucis. Écoute, ok, ce que je peux faire, c'est essayer de faire en sorte qu'il y ait des mecs un peu discrets, qui soient toujours dans son entourage, éviter de lui mettre la puce à l'oreille. C'est pas bête. Merci, Marvu. Autre chose que je devrais savoir? Non, on est content d'être de retour. Très content. Quand on a parlé de l'objet qu'avait l'adulte... Ah, si. Notre adulte, il a une blessure par balle. Bon, c'est pas nous qui lui avons fait. Ça m'étonnerait qu'il soit tiré tout seul dessus, donc il est peut-être pas tout seul dehors. Voilà. J'ai pas le souvenir qu'une sirène puisse tirer. Après, ce qu'on a vu, je suis plus trop surpris. Ça pourrait exister. Mais il avait un autre truc avec lui. Ouais, c'était quoi? Je me souviens plus trop. Comme un objet qu'il a déposé dans... Il le regarde, il s'approche, et il commence à le fouiller, en fait. Je dis, elle est où, la mallette? Il sort un briquet, 2 paquets de clopes, un crayon, des conneries, quoi. Un peu de monnaie. Ah, des conneries, mais des conneries... s'il sort de la monnaie et tout, c'est des conneries que nous, on n'a plus vu depuis un moment. Il se retourne vers toi, du coup, une mallette. Quelle mallette? Ah non, la mallette, on l'a oubliée, c'est dans le supermarché. Souviens-toi, tu te rappelles, on l'a perdue au supermarché. J'ai plus trop le souvenir, hein. Il me semblait bien qu'elle était dans le caddie. Quelle casse-couille. Elle est tombée. La mallette est tombée, malheureusement. Moi, je l'ai cherchée, elle ne rentre pas, mais j'ai pas trouvé. Dommage. Merde. Bon, en tout cas, bravo à vous. Vous avez pu renouveler les stocks. Espérons que ça puisse tenir un certain temps. Et Jasmine, tu m'as surpris. Bravo. Elle nous a tous surpris. Hein. Merci, Barbu, ça me touche. Je savais que t'avais ça. Je vous laisse. Reposez-vous. On va s'assurer que la cuisine fonctionne pendant que t'es pas là, Martel. Et gros Momo, repose-toi aussi. De toute façon, tu seras sur pied avant qu'une autre expédition soit montée. Et donc, il quitte la pièce comme ça. Voilà. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de plus dans cette journée? Non, mais j'étais sûr d'avoir vu ce mallet. Juste un repas vous sera apporté à l'infirmerie pour ceux qui restent, c'est-à-dire Martel, Gros Momo et Pitoun obligatoirement. Jasmine, t'es un peu blessée, mais t'es pas obligé de rester à l'infirmerie. Mais tu peux le faire néanmoins, comme tu veux. Edouard également est à l'infirmerie. Steph, elle va rester aussi à l'infirmerie pour la nuit. Edouard ne sortira pas de son inconscience pour l'instant. Ok. La blessure qu'il a au visage est assez terrible, donc Belle a mis des compresses dessus, mais manifestement, il gardera des profondes cicatrices. Bah, je vais changer de mec, hein. Pas obligé. Donc tu finis par t'éclipser, Je vais chercher Sonia cette fois-ci, pour lui offrir ses baguettes. Ok, tu retrouves Sonia peut-être en partant vers le réfectoire, ou au réfectoire d'ailleurs, peut-être, je sais pas. Je pense qu'elle a aidé pour la cuisine aussi. Alors non, c'était Sandy du coup. Oui, au réfectoire, je vais la voir. Ouais, donc tu la retrouves. Sonia, oui, je vais parler si t'as un instant. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Timidement, je sors les 2 baguettes. Tiens, pour me faire pardonner pour ta blessure. J'ai trouvé ça pendant notre sortie. Du coup, comment on joue ça? Est-ce qu'on fait un jeu de séduction ou est-ce qu'on fait un... Ah bah c'est vous le chef. Séduction avec avantage. Pour obtenir ce que t'as demandé? Ah bah bien sûr. Je lui offre ce qui est des merveilles. Tout à fait. Ça peut jouer, ouais. Séduction, ça te paraît bien ou pas? Sinon, convaincre... J'ai de séduire en monde. Bon, séduire, je pense que c'est bien. Ouais. Mets-tu de la bile? Je mets 1 point. Ok. Et donc avec un éventuel autre plus 1. Donc 8, c'est suffisant. Ok, bah écoute, elle te... Elle prend les baguettes, l'air ravie, et te prend dans ses bras. Alors, elle fond pas en larmes, mais elle pleure un petit peu dans tes bras. Et ensuite, mon idée, c'est de prendre la mallette et de rejoindre mes amis, d'ouvrir tous ensemble. Enfin, on peut essayer d'ouvrir. D'accord. Bah, donc, tu retournes dans l'infirmerie au moment où les lumières s'éteignent un peu partout. Et donc, vous ouvrez la mallette tous ensemble et vous y trouvez... Salut, je t'avais vu. Oui, mais je voulais pas le dire au barbu. Mais pourquoi ? Parce que je l'aime pas. Vous y trouvez des liasses de billets. Ah, tombe bien, on commençait à moquer de quelqu'un. Comme dans les films, quoi. Une mallette pleine de billets. D'accord. On en a déjà vu. Ah oui, bien sûr. On sait ce que c'est. Tu vois, toutes ces cachoteries pour ça. Hein. Vous avez peut-être du mal à vous rendre compte de ce que ça représente, mais... Et oui, j'ai vu. Et donc maintenant, je vais finir en te posant la question. Que fais-tu de cette mallette ? Et où de son contenu ? Bah, je consulte les autres déjà. Je me dis qu'il faut qu'on garde ça secret. Pourquoi tu veux garder ça secret ? Ça nous est même pas utile. Mais on sait pas, peut-être que cet adulte-là, il a très envie de sa mallette et du coup, bah, en échange de sa mallette, on peut lui demander quelque chose. Ah, c'est pas bête. S'il se réveille, je veux dire. Je serais d'avis qu'on en informe quand même le barbu, puisque... Non, mais ça te suffit d'informer le barbu tout le temps, là, il est nul. Tu rigoles, il est trop bien. Surtout en train de crever. Moi, je l'aime pas, le barbu. Ce sera bien, ce serait une barbu. Et regarde mon menton, là, il y a déjà un petit poil. T'es fort pour te battre, mais pour diriger des personnes, un peu moins. Regarde l'état d'Edouard. C'est toi qui lui as demandé d'aller vers l'avant. Bah, oui, mais c'est Edouard, vous pouvez pas dire non, voilà. Après, attention, je prends aussi de mes erreurs. Oui, j'espère, parce que... Chouchou, je suis pas crédible. Moi, je suis pas trop pour, mais bon, je dirais rien, mais ça m'embête un peu de cacher ça au barbu. Ça peut nous attirer des ennuis, quoi. Déjà qu'on en a pas mal. Des héros, là, on a ramené plein de bouffe. Pitoune, Martel, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ? Moi, je serais plutôt pour dire tout ce qu'on a au barbu, puisque, en plus, effectivement, je me rends pas compte de ce qu'il y a dans la mallette, mais... Clairement, ça n'a pas d'intérêt à part pour le bois de chauffage. Quoi. Vous vous rendez bien compte qu'on passerait quand même pour des sacrés connards. En fait, la mallette, elle n'était pas tombée. On l'a retrouvée. Puis, On peut dire qu'on a fait marche arrière et qu'on l'a retrouvée et qu'elle était dehors. Bah, tu l'expliqueras ça. Hein. Bah, faut d'abord qu'on soit d'accord. Parce que moi, je ne suis pas trop pour. Mais si jamais je dois me mouiller, je le ferai. Et tant que tout le monde est sur le même niveau d'information, moi ça me va. J'ai des responsabilités et j'aimerais pas attirer des ennuis à libreté, tu peux me comprendre. Hein. Moi je pense juste qu'il me semble me rappeler que dans l'ancien temps, c'était important. Pour que le mec se trimballe ça sur lui, pour que le grand se trimballe ça sur lui, à défaut d'autre chose de plus utile dans une apocalypse, c'est que ça doit lui tenir à cœur. Il va sûrement vouloir sa mallette quand il se réveillera, enfin, s'il se réveille. Ouais, bah on lui donnera à ce moment-là. Je dis pas qu'on doit lui donner. Justement, c'est des histoires de grands, pas des histoires pour nous. Mais on est un petit peu grand, on est un peu plus grand qu'avant. C'est vrai, tu as raison. Moi, je pense qu'actuellement, faire des cachotteries, ça peut juste plus nous foutre dans la merde qu'autre chose. Après, toute la question, c'est quel avantage ça pourrait nous apporter à l'avenir. Peut-être qu'on pourra soutirer des informations au grand, justement, en échange de lui rendre sa mallette. Quoi. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi, Martin. Ok, bah, je prends la mallette et je vais aller la donner au barbu. Ok, vous êtes d'accord ? Ça me va. Moi, ça me va aussi. Ok. Mon père, il est tellement fort que je suis super fier quand il m'emmène à l'école. Ok, je prends la mallette et je vais la cacher. Ok, très bien. Cette expédition est quand même un franc succès. Vous allez donc tous gagner 3 points d'expérience. C'est pas by the book, mais je voulais marquer le coup. J'aime bien quand tu marques. Ceux qui ont du coup des niveaux à passer, vous pouvez effectivement acheter des moves sur vos livrets, il n'y a pas de souci. C'est le moment. Et donc la nuit tombe, et donc vous vous endormez calmement dans cette infirmerie. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Rien du tout. Pitoune ? Pourquoi c'est toujours moi ? Pitoune, je pense que Belle t'a apporté ton ourson, hein, pour te faire plaisir. Peut-être elle a peut-être attendu que tu sois endormi, enfin, quand t'étais endormi quand elle l'a rapporté. Si elle l'a fait exprès ou pas. Tu revois cette très belle femme qui a un ourson et qui te chante une berceuse qui finit par te dire « Raconte-moi un peu ce qui s'est passé. Tu es sorti. Je n'étais pas pour, mais c'est pas grave, tu es revenu. Raconte-moi un petit peu ce qui s'est passé. Est-ce que tu lui racontes ?» Maman lit dans chaise longue. Dans ce joli paysage, moi je me balade en tongs. Que de bonheur, tout irait pour le mieux. Que de bonheur, s'il n'y avait ce truc affreux. On m'a volé mon âme. Beaucoup de châtiments, malédictions. Rancœur, pénitence, désolation. Oui, je raconte en gros, hein. Pas dans le détail, mais... Un adulte ? Vous avez rencontré un adulte ? Oui. C'est intéressant. Tu as dû avoir très peur face à ce clown, mais... Oui, effectivement. Y a-t-il d'autres choses ? Cette mallette, il y a quoi dans cette mallette ? Raconte-moi ce secret. Dis-moi tout. Je sais pas trop, c'est des papiers, je crois. Très bien. Rendors-toi, t'inquiète pas, nous continuerons cette discussion plus tard. Repose-toi et guéris. Et c'est ainsi que tu t'endors et que nous terminons cette session numéro 5. On est trop fort. Nice. Très bien. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Très bien. Encore. Ouais. Et puis, bah donc, on va continuer à voir ce qui se passe. Donc, effectivement, je pense qu'il se passera quelques jours. Il se passera quelques jours d'ici à ce qu'on fasse la suite, de manière à ce que vous guérissiez de vos blessures. Mmh. Donc je vais dire au revoir à vous, au revoir à nos auditeurs éventuels, et à la prochaine. Au revoir. Et bien à la prochaine. À la prochaine. Pourquoi les gens disent toujours plus tard quand tu seras grand? Moi qui grandis tous les jours, je suis là et j'attends. J'attends que le jour se lève de réaliser le rêve aujourd'hui et maintenant de n'être plus un enfant. Je patiente doucement que l'on veuille seulement m'accorder une seconde un peu